get this. Verlander. Sixième, cinquième, dessous. Je ne saurais quelle couche enlever pour savoir qui tu es, ma belle. Tellement de couches, superposition, superproposé. Comment savoir vraiment qui tu es derrière ce voile, derrière ce tissu, occultant assez épais. Je comprends la protection, nécessité, présence, absence de bouclier en permanence. Se rallier à ta résilience. Épigénétique. En bandoulière. Comme une absence, présence. Un être que tu voudrais être. Comme des fantômes, des fantasmes. Comme une improvisation avec Michel Basse. En cette intersection céleste. A ball to create again. About to listen, about to share. About to reset. Comme une invitation permanente. Célébrer la beauté. La beauté du son. Qui parfois, je l'avoue, me transperce. Son métallique. Jamais. Dans la réalité. Une sensation. Focus. Élaboration. de penser. On prend le temps. Ça fait du bien de se poser de temps en temps. À présent, poser. Radio branché. Sur les ondes alentour. Exprès. Nous cherchons. Nous regardons. Nous tâtons, nous touchons. Oui. Nous sentons. Et après nous plantons. Après une autre génération. Pas fait exprès, on est comme ça. On est des humains, on aime faire la fête. On aime festoyer, on aime manger, on aime toucher. On aime baiser, on aime aimer. To fail better. We love. We hate. But we love again. About to listen. About to share again. Because we are. fire on the mountain. I see fire. But to listen. de créer n'importe quoi, n'importe quand. Plus de psychopathe. des pieds jusqu'au cerveau. La création, ça te remonte les pieds jusqu'au cerveau. Aujourd'hui, le rite de passage. passage devient flou. D'une évolution vers autre chose, un ailleurs, impossible, impossible. Sorte de continuité intermittente, un paradoxe à lui seul. Un désintégré. au sixième dessous. Normal et le pathologique. Continuum. On appelle ça des interludes. C'est là. Début août 2024. Voilà l'été. Cherchez, vous me trouvez.